بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام ورحمة الله أما بعد. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, inshallah, c'est le repentir des sorciers. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous raconte l'histoire de Moussa face à Pharaon et l'armée de Pharaon. Et nous cite donc lorsqu'il a envoyé Moussa voir Pharaon, وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ وَجِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Et Moussa a dit au Pharaon, certes, je suis un messager venant du Seigneur de l'univers. Et donc c'est le Seigneur des mondes qui m'a envoyé, c'est pas n'importe qui. حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَا أَقُولَ عَلَىٰ اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. On peut traduire ici en disant, certes, je suis celui qui est apte à ne dire d'Allah que la vérité, puisque c'est moi le messager. Ou alors, حَقِيقٌ, c'est-à-dire, il est de mon devoir de ne dire qu'à Allah que la vérité. Et ça, les deux avis sont corrects. Inch'Allah ta'ala. Wa qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Et je suis venu à vous. Je suis venu à vous avec des preuves évidentes de votre Seigneur. Alors, envoyez le peuple, les enfants d'Israël, avec moi. Laissez-les partir avec moi. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta min as-sadiqin. Alors, Pharaon qui répond à Moussa en disant, si tu es venu avec un signe, avec une preuve, alors ramène-la, montre-la nous, si tu fais partie des véridiques. فَأَلْقَ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ. Il a envoyé, donc il a lâché son bâton, et c'est alors que celui-ci est devenu donc ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, donc un serpent clair et évident pour tous. Mais ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il a utilisé le terme ثُعْبَانٌ. ثُعْبَانٌ, on l'a déjà vu ici, ثُعْبَانٌ, c'est le plus grand des serpents. C'est un grand serpent et c'est, dans la famille des serpents, c'est le plus grand. Dans la langue arabe, c'est lui qu'on va appeler Thorben. Mais dans un autre verset, Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il parle de ce serpent, il nous dit que An-na-jan. Comme si c'est un djinn. Le djinn, c'est les plus petits des serpents. Les tout petits serpents. Et donc si aujourd'hui on a quelqu'un qui vient ici, hein, comme on a qui parfois ils veulent débattre avec les musulmans, nous dire il y a des contradictions dans le Coran, parce qu'ils ont vu que nous on leur montre des contradictions de leurs livres, au lieu d'accepter la vérité, ils vont essayer de chercher des contradictions dans le Coran. Mais le Coran, c'est la parole de Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Il ne peut pas y avoir de contradictions dans ce livre. C'est pour ça que Allah il nous dit si cette parole provenait d'autre que Allah, ils y auraient trouvé beaucoup de divergences, beaucoup de contradictions. Et donc comment on répond à ça? Un plus gros serpent, un plus petit serpent, on fait comment? Cheikh Shankiti rahimahullah, il a écrit un livre dans lequel il réfute à toutes les ambiguïtés, à toutes les ambiguïtés des incroyants concernant le Coran. Ceux qui veulent nous faire croire qu'il y a des contradictions dans le Coran. Il est venu, il a pris chacune des contradictions supposées et il nous montre les différentes réponses qu'avaient les ulémas. Et donc ici, c'est simple. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a cité un ferben, un grand serpent, un énorme serpent. Dans certaines narrations, dans le tafsir, il est même cité que Pharaon, lorsqu'il a vu le serpent, il fut terrifié, etc., etc. Dans un autre verset, comme si c'est un djinn, les petits serpents. C'est-à-dire que c'était par le miracle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, ce bâton s'est transformé en un serpent énorme qui se déplaçait comme un petit serpent. C'est comme si c'était un djinn. C'est comme si c'était un petit serpent. Il était énorme, mais dans la rapidité, dans le déplacement, c'est comme si c'était un petit. En général, les gros serpents, ils vont lentement. Ils font peur, mais ils sont pas rapides. Contrairement aux petits qui se déplacent et qui font peur. Qui se déplacent et qui sont très rapides. Eh bien, lui, il était énorme. Et en plus de ça, il se déplaçait très, très rapidement. Et ensuite, il continue. Allah tabaraka wa ta'ala wa naz'a yadahu fa'idha hiya bayda'u lil-nadhirin. Et ensuite, Moussa alayhi salam, il a retiré sa main, donc, d'en dessous de son bras. Et c'est alors que sa main, elle était, donc, blanche, très blanche. D'une couleur, donc, d'un blanc éclatant pour tous ceux qui regardaient. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Lorsque les notables, on a vu ce matin dans le tafsir de sourate Nuh, que souvent ce sont les notables, les nobles qui poussent les autres à mécroire. Ce sont les nobles qui poussent les autres à mécroire. Et donc ici, lorsqu'ils ont vu ces signes là, est-ce qu'ils ont cru? Ils ont dit certes, celui-ci est un sorcier très connaisseur qui maîtrise bien son domaine. Mahir. Il a de la science dans la sorcellerie. Ils ont accusé Moussa de sorcellerie, alayhi salam. Yuridu an yukhrijakum min ardikum famadha ta'murun. Celui-ci, il veut vous sortir, il veut vous chasser de votre terre. Alors, que recommandez-vous? Ici, que recommandez-vous? Certains savants ont divergé. Certains ont dit que c'est la parole de Pharaon. C'est Pharaon qui demande aux notables. Que recommandez-vous? Et d'autres savants disent non, la vie le plus juste ici, c'est que les notables, entre eux, ils se disent que recommandez-vous? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait contre lui, contre cet homme qui veut nous chasser de notre terre? Kolu arjih wa akha wa arsil fil madaini hashirin. Ils ont dit, on ne s'occupe pas de lui tout de suite. Arjir, c'est-à-dire, on retarde cela plus tard. On retarde cela plus tard. On ne s'occupe pas de lui ni de son frère. Arjir ou akha. On retarde leur situation à plus tard. Wa arsil fil madaini hashirin. Et envoie des gens dans les cités. Envoie des gens dans les cités pour chercher. Pour chercher quoi? Ya'tuka bikulli sahirin alim. Ils viendront à toi, au Pharaon, avec tous les grands connaisseurs dans la sorcellerie. Ils viendront à toi avec tous les grands sorciers. Waja as-saharatu Pharaon qalu inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Les sorciers sont venus voir Pharaon. Ils ont dit, ils étaient convaincus que c'est eux qui allaient gagner. Parce que pour eux, Moussa, il était un sorcier. Et donc, ils sont venus en grand nombre. Les plus grands sorciers. Ils se sont dit, bon, lui, tout seul, face à nous, on est les plus grands sorciers. C'est fini, c'est réglé. Et donc, ils ont dit quoi, Pharaon? Et ils ont dit, certes, nous avons une récompense si c'est nous qui avons le dessus aujourd'hui. N'est-ce pas? Nous avons une récompense. Pharaon, il a répondu quoi à cela? Qala na'am wa innakum la min al-muqarrabin. Il a dit oui, vous aurez une récompense et vous ferez partie de ceux qui seront les rapprochés, ceux qui seront mes proches, les proches du gouverneur, avec les repas, avec tous les délices, etc., etc., etc. Ah, ils se sont dit, ah, la vie est belle. On finit avec Moussa en 2-2 et après la vie est belle. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Ils ont dit, oh Moussa, c'est soit tu lances ce que tu as, comme ça tu as une occasion de montrer aux gens que tu as quelque chose, Ce soir, nous, on commence à lancer et c'est fini. Qui commence à lancer? Qui lance? Quand les Alkou, alors Moussa, alayhi salam, il leur a dit lancer. Allez-y. فَلَمَّا أَلْقَوْ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ. Lorsque ils ont lancé ce qu'ils avaient, ils ont ensorcelé les yeux des gens. Pourquoi est-ce que ici Allah Tabaraka wa Ta'ala elle a précisé les yeux des gens? Pourquoi? Parce qu'une grande partie de la sorcellerie, c'est dans la vue. Il te montre quelque chose qui n'est pas là, quelque chose qui n'est pas réel. Une grande partie de la sorcellerie. Et c'est pour ça que Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans un verset: "Allah nazzalna 'alayka kitaban fi kirtasin falamassuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa asatirun aw sihrun mubin." Et donc, si on faisait descendre sur toi un livre venant du ciel, venant de ton Seigneur, et qu'il venait à le toucher, malgré le fait qu'il le touche, ils auraient dit que c'est de la sorcellerie. Alors qu'ils l'ont touché. Et donc, ici, ces gens-là, ces sorciers, ils ont aveuglé les gens ou ils ont trompé les gens par leur vue. Et donc, les gens, ils voyaient quelque chose qui était énorme. Et les gens furent terrifiés. Ils les ont terrifiés. Ils sont venus avec une sorcellerie manifeste. Quelque chose d'énorme. Et donc, à partir de là, ils étaient sûrs que c'est eux, les sorciers, qui allaient avoir le dessus. Parce qu'ils se croyaient forts. Ils pensaient que leur shayatin, leur diable, allait avoir plus de force que le diable de Moussa. Parce qu'ils pensaient que Moussa, il avait un diable avec lui. Wa awhayna ila Moussa an alqi 'asak fa idha hiya talqafu ma yafikun. Alors nous avons fait la révélation à Moussa. En lui ordonnant: jette ton bâton. Alors celui-ci va dévorer, va avaler les mensonges qu'ils ont inventés. Car ce qu'ils faisaient, c'est du mensonge, de la tromperie. Et donc celui-ci va avaler cela. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Et à ce moment-là, la vérité fut établie. Et tout ce qu'ils accomplissaient, tout ce que les sorciers donc faisaient est devenu vain. Il n'y avait plus rien. C'est comme s'il n'y avait plus rien. Et ici, donc, les savants du Tafsir, ils nous disent « Waqa' al-haq » La vérité est arrivée, c'est-à-dire la vérité donc a eu le dessus. Allah tabaraka wa ta'ala, ô chers frères, il donne toujours le dessus à la vérité. Il donne le dessus à la vérité et aux adeptes de la vérité. Et donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, il donne le dessus à ses alliés. Mais nous, est-ce que nous, la question c'est, est-ce que nous, nous obéissons à Allah Tabaraka wa Ta'ala? Car tout revient à nous, notre obéissance à nous. Rappelez-vous que les croyants, ils ont perdu une bataille, la bataille de Uhud, à cause de la désobéissance de certains. Les croyants ont perdu une bataille à cause de la désobéissance de certains qui n'ont pas obéi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que dire à notre époque, avec toutes les désobéissances qu'il y a dans la communauté musulmane? Et donc Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné le dessus à la vérité, il a donné le dessus à Moussa alayhi salam. Et ensuite il dit tabaraka wa ta'ala fa ghulibu hunalika wa anqalabu sagirin. Et à ce moment-là, les sorciers furent vaincus. Ils furent vaincus et ils partirent avilis. Hein? Ils se sont retrouvés, excusez-moi, avilis. Ils pensaient avoir le dessus. Ils pensaient avoir le dessus sur Moussa parce qu'ils pensaient que Moussa avait un djinn, avait un diable avec lui. Mais non, c'était pas de la sorcellerie. Et donc ils se sont retrouvés tout petits, avilis. Et que s'est-il passé? Lorsqu'ils ont compris que ce n'était pas de la sorcellerie. Alors les sorciers donc furent jetés prosternés. Jetés prosternés. Les savants nous disent min sur'ati sujudihim ka'annahum ulqu. Tellement ils se sont prosternés rapidement, c'est comme s'ils ont été jetés. Pas pris le temps de descendre, etc. C'est comme s'ils ont été jetés, tellement ils se sont prosternés quoi? Rapidement. Pourquoi? Ils ont vu la puissance d'Allah. Ils ont vu que ce qu'ils avaient n'était rien comparé à la puissance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces sorciers-là, ils furent donc jetés, prosternés. Et donc ils ont su que ce qu'ils n'avaient n'était que de la sorcellerie. Et que Moussa, ce n'était pas de la sorcellerie qu'il avait, mais que c'était un miracle venant de son Seigneur. Ils se sont alors repentis. Subhanallah. Ils se sont repentis, les sorciers. Est-ce qu'un sorcier peut se repentir? Na'am, oui, bien sûr qu'un sorcier peut se repentir. Un sorcier peut se repentir. Allah tabaraka wa ta'ala pardonne tous les péchés. Il est le tout miséricordieux. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala, il est celui qui pardonne tous les péchés. Yaghfiru dhunuba jami'an. Il pardonne tous les péchés. Même la sorcellerie. À condition que tu te repentes. À condition que ce sorcier se repente clairement de son péché. Et certes, Allah tabaraka wa ta'ala, parmi les éléments qui montrent la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala et le fait qu'il pardonne les péchés, les savants ils ont cité un verset grandiose. Un verset que beaucoup d'entre nous connaissent. Tu connais surat al-Buruj? Yallah. Allez, on révise surat al-Buruj. Allez, c'est parti. Pas en surprise comme ça. Alors, vas-y. Wassama idat al-Buruj. Allez, après le besmela. Ça suffit. Mashallah. Barakallahu fik. Et donc ici, dans ce dernier verset qu'il a récité, certes, ceux qui ont éprouvé les croyants. Ils les ont éprouvés comment? Par le feu. Ils les ont éprouvés par le feu. Ils jetaient des gens vivants dans le feu. C'est vraiment quelque chose de terrible. Le fait de jeter des gens vivants dans le feu et de les éprouver dans leur foi. Est-ce que tu es croyant? Oui, allez, dans le feu. Tu crois en Allah? Oui, allez, dans le feu. Subhanallah. C'est quelque chose de terrible. Malgré cela, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, certes, ceux qui ont fait cela, ceux qui ont éprouvé les croyants dans leur foi et qui ne se sont pas repentis, ils ont un châtiment douloureux, un châtiment terrible. Les savants nous disent, ici, Allah il a précisé quelque chose, il a dit, et qui ne se sont pas repentis. Ça veut dire que si ils ont brûlé des gens, ils les ont brûlés vifs, et qu'ensuite ils se repentent de repentir sincère, Allah tabaraka wa ta'ala pardonne leurs péchés. Subhanallah. Il est le tout miséricordieux. Il pardonne tous les péchés, les frères. Il pardonne tous les péchés. Et donc, oui, il pardonne aussi la sorcellerie. Voilà pourquoi les sorciers, ils ont dit, donc Allah tabaraka wa ta'ala nous cite la parole des sorciers, il dit, Kolu amanna bi rabbil alamin. Il dit, nous croyons au Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. Certains savants du tafsir ici, ils disent, ici, lorsque les sorciers, ils ont dit ça, ou du moins les anciens sorciers, lorsqu'ils ont dit ça, Firaun, il se peut qu'il ait compris que c'est lui, Rabbul alamin. Et il se peut qu'ils comprennent que c'est lui. Pourquoi? Parce que Pharaon, il disait,